couvre ton âme à distance. Autrefois, je fuyais précipitamment tes bras. Que cherchais-je une joie semblable? En vain, nous nous croyons grands. Au pied de l'Holocauste le plus redoutable, devant les ruines de son corps exsangue, j'ai vu aussi ton visage gonflé de chagrin. Nous étions si fragiles, seul toi nous soutenais. Tant de souffrances que ton ombre cache. Cette enfance brune, déchirée entre deux maisons. Ce père intense qui tomba un soir d'étreinte. Cette constance que tes adversaires méprisaient. Les jours passent et dans mes nuits je te sens. Chaque dimanche tu nous menais vers un parc. Entouré de ponts et d'autoroutes, paradis où le soleil nous réchauffait. Diligent, à la sortie des classes, tu nous ramenais à travers tes bâtiments, tes citadelles bâties. Avec du vin et un gâteau magnifiquement décoré, tu célébrais nos anniversaires. Aussi, des camarades hostiles, mais toi jaloux et prudent, tu les détournais. Aujourd'hui sans toi, le monde suspend sa joie. Peut-être qu'un jour le soleil s'éteindra aussi. Dans ses soins persiste l'immortalité, toujours abandonnée. Ta voix revient comme une brise à la fin de l'été, comme la lune en cette nuit funeste. Le 23 décembre 2000. D'où tombe malade et je découvre ton amère distance. Autrefois, je fuyais précipitamment tes bras. Que cherchais-je une joie semblable? En vain nous nous croyons grands. Au pied de l'Holocauste le plus redoutable, devant les ruines de son camp exsangue, j'ai vu aussi ton visage gonflé de chagrin. Nous étions si fragiles, seul toi nous soutenais. Tant de souffrances que ton ombre cache, cette enfance brune déchirée entre deux maisons. Ce père intense qui tomba un soir d'étreinte. Cette constance que tes adversaires méprisaient. Les jours passent et dans mes nuits je te sens. Chaque dimanche tu nous menais vers un parc, entouré de ponts et d'autoroutes, paradis où le soleil nous réchauffait. Diligent, à la sortie des classes tu nous ramenais à travers tes bâtiments, tes citadelles bâties. Avec du vin un gâteau magnifiquement décoré, tu célébrais nos anniversaires. Il y a aussi des caravanes hostiles, et toi jaloux et prudent, tu les détournais. Aujourd'hui, sans toi, le monde suspend sa joie. Peut-être qu'un jour le soleil s'éteindra aussi. Dans ses soins persiste l'immortalité. Ta voix revient comme une brise à la fin de l'été, comme la lune dans cette nuit funeste. Ordonne le 23 décembre 2000. Oh, le 23 décembre 2000. Le 23 décembre 2000. Donc, toujours abandonné, ta voix revient comme une brise à la fin de l'été, comme la lune en cette nuit funeste. Ordonne le 23 décembre 2000. Comme une brise à la fin de l'été.